Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter. Et antum kadhalik, il faut comprendre anna hadha al-ilm, comme on a dit, ça fait partie des fondements de la religion. La personne, il doit faire passer les fondements avant le reste. Ça c'est pas min manhajiyat talib al-ilm. Et c'est pas min al-hikmah. Et c'est pas min al-rifq de délaisser les fondements et d'apprendre des choses qui sont utiles, lakin qui sont beaucoup moins utiles que at-tawhid. Ça fait pas partie de al-hikmah. Et ça fait pas partie de da'wat al-rusul. Qala subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Un cours donné par le frère Mounir al-Maghribi hafidhahullahu ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Dammaj au Yémen. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنحمد الله عز وجل الذي وفقنا للاستمرار بهذه الدروس فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل الاستمرار في العلم علم كتاب الله وعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم على العبد parmi les plus grands bienfaits sur le serviteur أنه il est régulier في العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والتفقه بالتعلم التفقه أي التعلم والتعلم بالاستمرار parmi les plus grands bienfaits أن العبد الله سبحانه وتعالى يفسلت هذا العلم وهذا العلم كما تعلمون واسع لواسع علم العقيدة علم التوحيد علم الفقه علم اللغة علم الأصول هذه العلوم واسعة فلا يستطيع الطالب فهمها والاستفادة منها إلا بالاستمرار من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والتفقه بالاستمرار ومن أعظم هذه العلوم علم توحيد الله عز وجل علم العقيدة الصحيحة ونحن إن شاء الله نبدأ في هذا اليوم بدراسة هذه الرسالة الطيبة النافعة رسالة القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ الإمام الفقيه محمد ابن صالح العثيمين عليه رحمة الله وهذه الرسالة كما نفهم من العنوان القواعد المتلى في صفات الله وأسمائه الحسنى رسالة متعلقة خاصة بالأسماء والصفات. وهذا العلم علم الأسماء والصفات من أنفع وأعظم العلوم وهو من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. هذا ستمنتر أيها الطالب أن هذه الدروس في العقيدة والاستمرار فيها من أعظم النعم عليك. La personne doit ressentir هذا. Il doit ressentir هذا. أن il est dans une نعمة que beaucoup de gens ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. فلا personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité هذا العلم et il assiste au cours et il prend des notes ويفهم et il avance, هذا لابد يشعر أنه il est dans une نعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. La personne il doit se rendre compte de هذا. هذا العلم c'est pas un علم من علوم الدنيا أبدا. هذا العلم الآن أنت تتدي للنوم et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا العلم il faut lui donner de l'importance جدا. Il faut lui donner de l'importance لأن تتدي الأسماء والصفات. بعض الناس ils étudient des choses futiles من الدنيا et ils donnent de l'importance جدا. La ponctualité, la régularité, les efforts, la révision. Et c'est un ilm, une ulum al-dunya. Rupama, il ne lui servira pas à grand-chose. Ou alors, s'il lui sert, il lui servira partiellement ou temporairement fi dunya. Amma anta, ayuha talib, t'étudies hada l'ilm, l'ilm al-asma, ou al-sifat. Fait, tu dois multiplier les efforts, anta. Tu dois être beaucoup plus régulier. Tu dois être reconnaissant beaucoup plus. لأن هذا العلم علم on étudie les noms et les attributs d'Allah عز وجل. هذا on doit s'en rendre compte. Et هذا on doit le voir jour en jour dans nos efforts. لأن كم من الناس يتخبطون في ظلمات الجهل. فلان أشعري، فلان سان جهمي، فلان سان معتزلي، فلان سان جاهل لا يدري هذه الأمور، فلان يعتقد أن الله في كل مكان، فلان يعتقد والعياذ بالله أن الله يشبه المخلوقات، فتصص من الضلال المبين. لماذا؟ لأن هؤلاء الضلال الجهال ils ont pas étudié الأسماء والصفات على منهج سلف الأمة، بل هذا يفجغله معطل، هذا يفجغله من جهة أخرى مشبه، هذا له عنده شكوك، إلى ديدوت، مرة يحرف، مرة تفويض، مرة هؤلاء يتعبون، هؤلاء يصف في الحقيقة، لأنهم يزون ديدوت. تأمل بعض الناس. Il commence sa vie maintenant, il étudie Madhab al-Mu'tazila. Il a un taïq, il sait que c'est faux. Thumma yantaqil Madhab al-Kullabiyya. Ça ressemble. Thumma yantaqil Madhab al-Mufawwidha. Et il passe de dhulumat ila dhulumat. Lianna al-Muwaffaq man waffaqahu Allah. Wa min tawfiq Allah azza wa jal li'ibadihi, c'est diraset mitl hadhihi al-kutub. Kutub al-A'imma. كتب أهل العلم. On a déjà étudié ولله الحمد plusieurs livres في التوحيد ودال عقيدة c'est le deuxième livre après اللمعة. Et vous avez remarqué que la méthode des savants أنهم يذكرون أحاديث وقبل ذلك آيات من القرآن الكريم دي قواعد الأئمة. فأنت تتدي للivre وتستريح. C'est clair. C'est clair, لأن هذا العلم il est يسر, il est simple. C'est les gens qui l'ont rendu compliqué, فقط. أهل البدع وأهل الضلال. أما si tu prends هذا العلم من علماء أهل السنة, إن شاء الله أسهل ما يكون مثل هذه العلوم وخاصة الأسماء والصفات. فالتوحيد قاعدة الدين أساس الدين، من صحح توحيده إن شاء الله ما بعده أسهل، ومن نقض هذا التوحيد والعياذ بالله يهلك يهلك سيما على هذا الحال. أنتم كذلك il faut comprendre أن هذا العلم comme on a dit ça fait partie des fondements de la religion. La personne il doit faire passer les fondements avant le reste. فليس من منهجية طالب العلم، وليس من الحكمة، وليس من الرفق، de délaisser les fondements et d'apprendre des choses qui sont utiles, لكن qui sont beaucoup moins utiles que التوحيد. ça fait pas partie de الحكمة، ça fait pas partie de دعوة الرسل. قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. tous les messages qu'Allah il a envoyé à chaque peuple c'était بهذا التوحيد أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا التوحيد العبادة، هذا التوحيد العبادة لابد que tu comprennes الأسماء والصفات حتى tu sais t'adore qui t'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a ce nom ou ses noms, ses attributs. Enfin, plus la personne il les connaît, plus inshallah il sera à la yaqin et il sera apaisé. لأنه il connaît son khaliq, il connaît son khaliq. Enfin, plus tu connais une chose, plus tu pourras suivre ses ordres. Enfin, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, enfin, ça lui facilitera à connaître, à répondre, à appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا العلم سائل مهم جدا. واسمع وتأمل كلمة الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. قال في كتابه الفوائد صفحة 175 il va montrer l'importance du tawhid et l'importance de l'asma ou al-sifat. Aïe, tawhid al-asma ou al-sifat. Qala rahimahullah, man arada uluwa bunyanihi va'alayhi bitawthiq بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. الآن ابن القيم رحمه الله va comparer هذا الدين il va comparer هذا الدين avec les fondements مثلا d'une maison. Enfin, une maison t'as des fondements et après tu construis, tu bâtis sur ces fondements. فابن القيم يقول من أراد علو بنيانه celui qui veut élever الآن sa construction, ils sont din. Awalan, avant de commencer à construire, à élever, il doit faire attention aux fondements. S'il a des bons fondements, tout ce qu'il va faire après, ça va être très simple. S'il a des mauvais fondements, Rabbama, il avance, ses fondements ils sont pas solides et tout s'écroule. Hakadad din. فطالب العلم خاصة والمسلمون عموما يجب على الجميع العناية بالتوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، حتى leur دين il est fondé sur des bases solides. وتأمل الأنبياء، تأمل سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، des fondements solides توحيد. Il a éduqué ses compagnons avec ses fondements. Tomma, ils ont tout ce qui est venu après. Wallahi alhamd, ils ont patienté. Al-hijra, al-jihad, la faim, la soif, les fitan, les guerres, tout ça, ils ont réussi l'imala. Les anna, les fondements, ils étaient là, ils sont solides. Amma wahed, il n'a pas ce fondement. La première fitna. Que ça soit adou, que ce soit une fitna et des shubuhat, que ce soit des doutes, que ce soit une fitna à la pauvreté, tu trouveras il aura beaucoup de mal. Illa an yarhamahu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa qala ibn al-Qayyim, قال فإن علو البنيان على قدر التوثيق الأساس وإحكام. Plus tes fondements seront solides, plus tu pourras construire au-dessus, exactement comme une maison. Un Adam Nas, il construit sa maison maintenant, il a le projet de faire 2, 3 étages, 4 étages. Ça ne sera pas les mêmes fondements que celui qui veut faire qu'un étage. Il y en a plus tu construis, plus c'est lourd, plus il faut des fondements solides. Des maisons, ils les détruisent, ils refont les fondements et ils élèvent plus haut. Ma'arouf, hada. Si tu veux aller loin, si tu veux patienter, plus si tu veux qu'Allah t'élève fil jannah, travaille ses fondements. Travaille ses fondements. La bout chaque jour, une partie de ton temps, fi hada. Qala rahimahullah. قال ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنية. Plus les fondements ils sont solides, plus tu peux construire. خلاص, les fondements ils supportent la charge. قال واعتلى عليه. نعم, les fondements خلاص tu peux élever 2, 3, 4. الآن ils font des fondements solides dans certaines constructions, ils arrivent à faire 10, 20, 30 étages. Il y en a, les fondements ils sont là. قال وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه. Ça c'est une faïda. Elle a même cette construction, hein, cette construction. Si tu as des fondements solides et tu construis un étage, deux étages, trois étages, quatre étages, le quatrième étage, tu as un problème. Tu as un problème. Une partie d'un mur, maintenant, elle s'effondre. Ibn al-Qayyim, il te dit, il n'y a aucun problème. Très facilement, tu refais ce mur. Tu refais ce mur. Amma, si tu as un problème des fondements, comment tu fais? Comment tu fais? Tu es obligé d'enlever toute cette construction pour réparer les fondements. Hakadad-din. Si tes fondements ils sont solides, tawhid, aqida, t'avances, t'as un problème, c'est pas grave. Il y en a, t'as cette aqida qui te permettra de faire tawba, qui te permettra de revenir. Enfin, tu te corriges et t'avances. Et ton din il est solide. Amma wahid il avance. Il avance, il fait le hajj, il fait le siyam, il donne zakah, et il construit l'an. Tumma, tu remarques, il égorge pour autre qu'Allah. Tu remarques, sa aqida, Allah il est partout. Tout ce qu'il fait c'est batil. La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin. Il fait ce qu'il veut. Yaf'al ma yaf'al. Il fait le hajj, le zaka. Il fait, si les fondements ne sont pas bons, et c'est pas un mouahid, c'est un mouchrik, ou c'est un hulouli, un ittihadi, il croit qu'Allah il est partout. Hada Allah il n'accepte pas son amal, c'est du kufr. Mais une personne il a une aqida sahiha, tawhid, et il se trompe. Il se trompe un jour, il fait une erreur, il fait un péché. Bi'idnillah, cette aqida, elle va le pousser à faire tawba et il continue. Tout le monde se trompe. Ça vous montre l'importance de corriger cette aqida. Laynar, de fortifier ses fondements. Bi'idnillah, tu vas profiter fi dunya wa fi l'ukhra. Qala Ibn Qayyim rahimahullah. قال وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كات. الآن si ces fondements ils sont pas bons, أولا tu pourras pas beaucoup construire. Il y en a, c'est fragile. Ou alors si tu construis, tu prends le risque, tout peut s'effondrer à tout moment. Et voilà, il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement. Tu ne construis pas une chose dans le vide. Abadan. Là, à bout des choses, elles ont un fondement. Là, à bout. Et les fondements de ce dîn, c'est tawhid. Bunya al-Islam ala khams. Qala Isa alayhi salam. Shahadati an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad al-Rasulullah. Premier fondement, il a cité al-Nabi alayhi salatu salam. كذلك جبريل عليه السلام الى demande au prophète ما الايمان. Le prophète صلى الله عليه وسلم قال الايمان ان تؤمن بالله. Premier fondement, تؤمن بالله. تؤمن بالله انه سر الخالق المحيي المميت انه سر المستحق للعباده وانه الى دينه له اسماء وصفات. Tout ça c'est ça l'iman billah. comme on a vu déjà plusieurs fois et on va revoir bi'idnillah. قال ابن القيم فالعارف همته فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه والجاهل يرفع بالبناء عن غير أساس. Si tu as compris cette muqaddima al-an, celui qui veut avancer, qui veut du bien pour lui, il donne de l'importance au fondement. C'est ça celui qui a du ilm et celui qu'Allah il a waffaq. Il donne l'importance au fondement. Amma qala al-jahil yarfa' bil bina. Al-jahil il se précipite. Il veut construire et il n'a pas de fondement. Il construit une semaine, deux semaines, un mois, un an, tous ses fondements. Talib al-ilm yanzur fil asas. Les fondements. Fondement de din, fondement du tawhid. Thumma dans les autres fonds, les fondements de la loura. La loura, elle a des bases, elle repose sur des règles. Les fondements du hadith, le hadith il repose sur des règles. Chaque matière que tu fais, ayyuha talib, si tu travailles bien les fondements, tout ce qui vient après c'est min ashal ma yakoun. Ashal ma yakoun, c'est ce qui vient après. Al-inaya, bil-qawa'id wa bil-usul. Qala ibn al-qayyim. Il a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُرُفٍ هَارٍ. Est-ce que celui, كما قال عز وجل, أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a comparé une construction, les fondements c'est la taqwa. Avec une construction, elle n'a pas de fondement, c'est du vide. Est-ce que c'est la même chose? Abadan. Ibn Qayyim, il a basé son kalam sur cette ayah. Qala fal asas li bina'il a'mal kal quwa li badan al insan. Fal asas li bina'il a'mal. Tu vas faire des œuvres. Fal les fondements. Aïe, tawhid, par rapport à tes œuvres, c'est comme la bonne santé pour ton corps. Ton corps, si tu n'as pas une bonne santé, tu ne pourras pas faire grand-chose. C'est ta table. Hakata ton dit. S'il n'est pas fondé sur des fondements, c'est ta table. Ça va être des œuvres. Imma, elles seront. Ton iman, il sera faible. Et les œuvres, il y aura des bid'a. Ou des mukhalafat. Imma, les œuvres, elles seront annulées. Ou l'ayadou bila par du shirk et du kufr. هكذا قال ابن القيم رحمه الله قال فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت كثيرا من الآفات. نعم une personne qui a une bonne santé, qui a de la quwa, beaucoup de problèmes, que ce soit maladie ou autre, il va réussir à les repousser avec cette quwa bi'idnillah azza wa jal. C'est pas comme un faible. Une personne, il y a un virus qui se propage maintenant, il est encore faible, il est malade. Rubama, la grippe, elle le tue. Rubama. La grippe, il meurt. Les nakhalas, son corps, il affaiblit. Tu trouves un autre, il a un corps, il est solide, il est en bonne santé. Rubama, la grippe, elle ne lui fera pas grand-chose. Hakada ton din. Si tu as des fondements solides, une fitna, une shubha, une faiblesse, anta. T'as sur quoi te reposer? Ton tawhid. Et bien, idnillah, ça sera beaucoup plus facile. قال وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف أو ضعف حملها ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. On a donné l'exemple avec la grippe. S'il a ce corps faible, une petite chose, elle peut lui faire beaucoup de mal. تأمل الولد الصبي الطفل l'enfant. تأمل. À la naissance, il est faible, très faible. C'est un enfant. Une petite chose, une grippe, il peut mourir si tu ne fais pas attention. Une petite chose. Ah, il tombe. Ah, plus il avance, plus son corps il se fortifie, ses os, ses organes. Ah, tu le trouves arrivé à un âge, l'âge adulte, il a beaucoup plus de force. Hakada ton din. Au début, si tu n'as pas de fondement, tu es comme un enfant. Une petite chose, elle te fera du mal. Plus tu avances, plus tu fortifies ses bases, plus bi'idnillah azza wa jal, les fitan et les shubuhat, elles te feront pas grand mal. قال ابن القيم فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان. الآن après cet exemple, ابن القيم il conseille, il te dit الآن bâti ton din sur des fondements solides. Le din, c'est pas du à peu près. خاصةً التوحيد. لا، c'est fondé sur des règles, des versets du Coran, des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. Celui qui les contredit, il s'égare. Celui qui les applique, inshallah, il est guidé. هذا c'est ça le din. Din, c'est pas du à peu près. يعني nous c'est dorose, ce qu'on fait l'an, c'est pas à peu près. J'assiste pour assister. Je fais mon raja'a à peu près. Là, c'est pas ça, c'est ton din. Wallahi, c'est beaucoup plus important que le capital que t'as, min al-mal, en famille, enfant. C'est beaucoup plus important, hada. Léana, tes biens, ta famille et tes enfants, ils peuvent t'emmener à ta perte. Wal-iyadu billah. Amma hada din, hada tawhid, si tu l'as, bi-idnillah, tu seras sauvé yawm al-qiyama. يوم القيامة قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فسلو كالتوحيد عقيدة il est préservé. Allah il lui pardonne, il lui pardonne, même s'il le châtie par rapport à ses péchés, il ira في الجنة, il rentrera في الجنة, لأن الله il a promis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاد, يا معاد تدري ما حق الله على العباد. Mu'ad il a dit, Allah wa Rasulu alam. Le prophète il a répondu, Haqqullah ala al-ibad, ayya'buduh, la yushriku bihi shay'a, wa haqqul ibad ala Allah, an la yu'adhib, man la yushrik bihi shay'a. Hada celui qui a cette aqidah. Allah il a promis, annahu, il ne le châtie pas, aïe éternellement en enfer. Même s'il est puni pour certains péchés, son refuge c'est al-jannah. Ahada, c'est ça le plus important. À ma femme, enfant, maison, bien, Allah alam si c'est un bien ou un mal pour toi. Allah alam. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te protège. قال فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان فإذا تشعث شيء شيء من أعمال أو من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. نعم لا شك هذا. ابن القيم رحمه الله لأن قوة عجيبة في ضرب الأمثال. ابن القيم اللي كونه dans ses livres souvent il compare des choses de la religion avec des choses que tu vois anta, ou que tu vis tous les jours. Matalan an, il est toujours dans sa comparaison les fondements de la religion avec cette construction. Enfin, il te dit matalan, t'as une construction 4 étages, 5 étages, t'as un problème dans le toit. Problème dans le toit. Une fissure, ou une brique est tombée, ou l'étanchéité. C'est min asal mayekoun. Tu montes et tu répares cette fissure, ou tu répares ce problème d'étanchéité. Al-Muhim, t'en as pas pour longtemps. Si t'as un problème dans l'SS, ma'ada taf'al, c'est pas simple. C'est pas simple, les problèmes dans l'SS. Ahyan, il y a des problèmes graves, il faut tout détruire. Les anna, si tu laisses, ça tombe. Hakada ton din. Hakada ton din, ayyuha al-Muslim. Enfin, la personne, il étudie avant que le shubah elle vienne. Avant, khasadan il y a des zaman, il y a des shubah partout. Hatta dans la rububiyya, il y a des shubah al-an. Ba'd ad-dallal, ils ont propagé, et ba'd al-aghbiya, ils ont cru, anna l'homme il descend du singe. Tu trouves, umma, ils ont suivi. Umma. L'homme il descend du singe. Alors que c'est wadih anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-qirada wa khalaqa al-insan. Et l'insan ne descend pas du singe. Abadan. Abadan. Ba'd an-nas ils ont des aqaïd ajiba. Et l'an pour nettoyer tout ça, c'est très difficile. Très difficile. Il est malade. Il croit qu'il est à la haqq. Tu lui montres le haqq, il rejette. Enfin, la personne, il étudie. Et ça vous montre l'importance de l'éducation des enfants à la hada. Hada. Bardanas, il donne une importance aux enfants au niveau médical. C'est matloub, c'est obligatoire. Tu dois prendre soin de ton enfant. Niveau nourriture, niveau vêtements, niveau dans le foyer, dans tout ça. Tu le trouves, min janib al-aqida, c'est fort à la shima. Rien du tout. Pas une kalima, pas un dars. L'enfant mesquine, une shubha, sa aqida le change. Noël il vient, il croit que c'est le Père Noël qui donne. Va lui enlever ce aqida. Noël, 25 décembre, le matin il trouve des cadeaux. Il croit que le Père Noël il a le qudra de lui emmener hada. Ils lui ont tourné sa aqida. Le père il fait pas attention, le père il est virafla. Il est virafla. Anta demain tu viens, tu lui dis Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais ça, tu auras le jannah. Il va te dire allez où le jannah, j'ai rien vu. Le Père Noël, j'ai vu le cadeau. Le jannah, j'ai rien vu. Il a des doutes, khalas. Khalas, comment tu fais pour réparer tout ça? Il a vu le dua. Le dua et l'ijtihad avant. C'est essence, préserve-les. Et tu ne préserveras pas ces fondements au milieu des kuffars. Abadan. Abadan. C'est comme si tu veux faire des fondements au milieu de la saleté, au milieu de la boue, au milieu d'un terrain pas solide. Hakada. Ça s'effondre à tout moment. Nasallah subhanahu wa ta'ala al-thabat. On continue le mithal. Qala ibn al-Qayyim. Qala wa hadha al-asas. Amran. Al-An, après toute cette explication, rahimahullah, il va citer. C'est quoi Al-An, ces fondements de la religion? Qala rahimahullah, deux choses. Qala sihat al-ma'rifa billah, wa amrihi, wa asma'ihi, wa sifatihi. Premier fondement. Tawhid al-Rububiyya, wa tawhid al-asma' wa sifat. Premier fondement, tawhid al-ma'rifa, il l'appelle. Ibn al-Qayyim, il l'appelle souvent, tawhid al-ma'rifa. Aïe. C'est une croyance en celui qui t'a créé, celui qui donne, celui qui guide, c'est Allah. Tu as une croyance que d'alik en Allah subhanahu wa ta'ala lahu asma husna wa sifat ula. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى وفي الآية الأخرى ولله المثل الأعلى فتست عقيدة ست عقيدة ساس البرومي فوند توحيد الربوبية والأسماء والصفات قال والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سوى دوزيام فودمو سي الشهادتان La ilaha illallah. Ta'taqid anna celui qui mérite l'adoration c'est Allah seul. Kadhalik ta'taqid anna Muhammad al-Rasulullah. Aïe, tu ne pourras pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala ala ilm seulement en reconnaissant que Muhammad c'est son dernier prophète, son dernier messager et tu le suis. Al-an, celui qui a ses fondements, khalas. Bi-idhnillah, il est ala khayr. Une personne a voulu faire croire que c'est Fulan qui donne, c'est Fulan qui guide, là, c'est Allah. Personne ne veut lui faire croire, il faut égorger pour Sidi Foulan, il faut demander à Foulan, c'est Allah, dans une chose qui a qu'Allah qui rapporte. Une personne elle lui dit, cette chose c'est une sunna, est-ce qu'il y a un dalil, est-ce que le prophète l'a fait? Là, c'est une bid'a. Man amila amalan, laysa alayhi amruna, fa huwa rad. Hakada al-an avec ses fondements. Même une chaise t'arrive à repousser, t'as des armes, c'est pas silah. Ça ne va pas être un char, un fusil, un la, c'est un tawhid. C'est un arme silah pour le mu'min. Mais Allah, tu peux t'équiper de haut en bas, avec dernier cri les armes. Tu n'as pas de tawhid, tu feras demi-tour dès que ça chauffe. Mit al-munafiqin, wal-iyadu billah. Al-munafiqin, vis-à-vis de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient les mêmes armes que les sahaba. À l'époque, c'était bouclier, épée, et ils étaient le même front. Le mu'min, aqidah, il avance jusqu'à la mort. Sahaba, beaucoup d'eux, ils sont morts en martyrs. Et ceux qui sont restés vivants, ils ont eu la victoire. Munafiq, même front, même arme, il fait demi-tour. C'est quoi la différence? C'est le cœur. Hada, il avait l'arme de Tawhid. Hada, il avait Al-Kuf. Il fait demi-tour à tout moment. Comme ils ont fait Yawm Al-Ahzab. Ils ont fait demi-tour. Ils ont délaissé le prophète, alayhi salatu wassalam. Et Hunayn et Kathir, al-Ghazawat, ma'a al-Nabi, alayhi salatu wassalam. Qala. قال فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه وبحسبه يعتلي البناء ما شاء الآن ابن القيم يقول أن ce fondement c'est le fondement le plus important dans ta vie et ce fondement il va te permettre de construire de bâtir ton dîn بني الإسلام على خمس النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé l'islam avec une construction بني il a dit بني L'islam elle est bâti. Construction. Ibn Qayyim il a pris son exemple du verset qu'on a cité sur la Tawbah et Hadith Ibn Omar. Bunya l'islam. La première chose, Shahadat an la ilaha illallah. Ça englobe Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat et Tawhid al-Ibad. Si tu reconnais Allah comme créateur, ça implique que tu l'adores. La ilaha illallah. Et Had al-Ilah que tu adores, il a des noms et des attributs. Tout ça, ça rentre fi Shahad. Et le sens de Shahada, c'est la ma'boud bihaq illallah, comme on l'a expliqué dans le Tawhid. Lakin, ça implique des choses. Et si tu reconnais Tawhid al-Uluhiyya, forcément, c'est que tu adores al-Rab. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Thumma, la deuxième, Muhammad Rasulullah, ay Tawhid al-Ittiba. Ay had al-Din, tu le prends du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as cette base, après les choses elles viennent. فَلِهَذَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامْ عَلَى خَمْسِ Il a cité cette base que Ibn Qayyim il a cité. شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ ثُمَّ dès qu'il a cité la base, la plus grande base du din, les autres choses. إقامة الصلاة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتخي أن اللفظ من البرمي سيلة بلا tout le reste ça sera المنافق إلى في الصلاة derrière le prophète عليه الصلاة والسلام إلى في الحج avec le prophète صلى الله عليه وسلم ربما يسخط الزكاة إلى في الجهاد malgré qu'il avait peur لكن أحيانا ils n'avaient pas le choix tout ça c'est باطل قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار le plus bas niveau de l'enfer منافق malgré salat hajj ça lui sert à rien لماذا لأن le fondement il lui a donné aucune importance بل il l'a combattu هذا c'est مهم toujours commencer par les fondements يا جماعة كذلك le prophète صلى الله عليه وسلم quand il a envoyé Mu'ad إلى اليمن il a envoyé Mu'ad au Yémen قال فأول la première chose أول La première chose qui va commencer, Tawhidullah. La première chose, il lui a dit Tawhidullah. Tu leur apprends, tu leur enseignes Tawhid. S'ils acceptent, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنْ قَبِلُوا ذَلِكَ Informez-les qu'il y a 5 salawats. Amma, ça ne sert à rien de les informer 5 salawats s'ils rejettent Tawhid. Ça ne sert à rien. Une personne, il fait les 5 salawats et il n'accepte pas Tawhid. C'est un kafir. C'est un kafir, Billah Azza wa Jal. Thumma, s'ils acceptent salat, prochaine étape, Az-Zakat. Le salat aussi, c'est un fondement. Celui qui l'a renié, c'est un kafir bil-ijma'. Et celui qui la délaisse par fainéantise, c'est un kafir à la sahih. Bah, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fondement par fondement. Hakada anta ayyuha talib. Amma un jour, à droite, des doutes. Un jour là, un jour pas là, un jour. Tu lui dis, tu fais ça, ça, ça. Une semaine, ces fondements, ils sont hasils. Il va construire ses fondements. Un jour là, un jour là, un jour là. Tu le trouves un an, il est toujours là, première brique. Toujours dans le début. Tu trouves les frères, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, yahfad al-jamia, qui patientent et qui sont réguliers, à la fin de l'année, mashallah. Mashallah. Il a des bases. Il continue. Année après année. Amma, wahed, un an il lâche, deux ans il lâche, trois ans, daiman, takhabbut. هذا إلي غبانو فالعناية العناية بالأصول نحن on fait ce genre de مقدمة لأن on sait que les doros si tu tiens pas ou si t'es pas sérieux t'auras pas le même profit qu'un frère qui est sérieux qui est régulier qui fait des efforts أما celui qui lâche فهذا يخشى عليه لماذا t'arrêtes et suis t'apprends ton din t'apprends ta aqida على طريقة أهل السنة فسيد نعمة نعم تحمد الله سبحانه وتعالى لكن كثير من الناس لا يشكرون هذا كلام راجع كلام ابن القيم رحمه الله في الفوائد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك